cours numéro 47. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-imam ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, dhikrul hath ala al-mujazati ala al-sama'i. Ce 47e chapitre, fi dhikr al-hath ala al-mujazati ala al-sama'i, ay al-shukr. Qala Allahu azza wa jal, hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Si quelqu'un fait une chose pour toi, un khayr, un bien, il t'aide. Fa min al-akhlaq al-tayyiba al-azima, c'est shukr man tasabbaba fi hadha al-khayr. C'est être reconnaissant envers celui qui a été la cause de ce bien. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Fa idha ahsana ilayk akhuk al-muslim fa anta fi des efforts كذلك pour tuhsin ilay. Qala ibn Hibban rahimahullah ta'ala akhbarana al-fadl ibn al-hubab al-jumahi qala hadathana abd al-rahman ibn bakr ibn al-rabi' ibn bakr ibn al-rabi' ibn muslim qala sami'tu al-rabi' ibn muslim yaqul sami'tu muhammad ibn ziyad yaqul sami'tu aba hurayra radiyallahu anhu yaqul qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man lam yashkur an-nas la yashkur illah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith, il est fi al-Sahih, ou plutôt fi al-Adab al-Mufrad, plutôt. Il est Sahih, il est fi al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Et kadalik dans Sunan Abi Dawud et d'autres livres. Cheikh al-Albani, rahimahullah, il l'a Sahih dans al-Sahih. Qala al-Allama Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, dans Sharh al-Adab al-Mufrad. Donc l'imam al-Bukhari il a cité ce hadith. Qala rahimahullah haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Rabi' ibn Muslim qala haddathana Muhammad ibn Ziyad. Vous avez remarqué, c'est le même isnad qu'on a. Rabi' ibn Muslim qala sami'tu Muhammad ibn Ziyad. Et al-Bukhari l'a pris de Musa ibn Ismail. Na'am. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الشيخ أي شيخ زيد رحمه الله يفيد هذا الحديث أن من الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم شكر من أزد إليك معروفا. Ça c'est un comportement, on doit tous faire des efforts. On doit tous faire des efforts. لأن en tant que مؤمن لا شك ولا ريب أن certaines personnes ils font beaucoup de khayr pour toi. ومن أعظم الناس qui mérite ton shukr et ta reconnaissance, c'est tes parents, Akhil Karim. Fa kam min khayr. بعض الناس, c'est vrai, ils rendent des services et ils font énormément de bien dans une chose. وجزاهم الله خيرا. Et هؤلاء, tu dois être reconnaissant. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Lakin les parents, leur khayr et leur haq, il est très très important. Depuis que tu es petit, combien de souffrances, combien de sacrifices, ils se sont privés, ils ont veillé la nuit, ils ont travaillé, ils ont souffert, que pour ton bien. Hakada les parents envers leurs enfants. L'enfant, il ne doit pas oublier hada. La yashkurullah, man la yashkur annas. Sois reconnaissant envers tes parents, Akhil Karim. Pas qu'avec l'argent. Bien sûr, tu ne dois pas négliger l'ikram bil mal. Si tu as de l'argent, tukrimhum bi hada. Et كذلك من اعظم الشكر, c'est de passer du temps avec eux. La yashkur Allah man la yashkur an-nas. Pas tes parents, combien de temps ils sont restés avec toi? Khassatan la mère. La mère, peut-être que voilà, chaque année, elle ne peut pas se séparer de son enfant un instant, encore plus quand il est petit. Enfin, quand cet enfant il grandit, il fonde sa propre famille, il déménage et il a son propre foyer, etc. Là, c'est facile pour les parents, encore plus pour la mère, même si cet enfant il est âgé. Donc n'oublie pas, shukr al-um fi hada al-hal. Anna, tu passes du temps avec elle. Malbaad, les parents ils les ont élevés, ils ont grandi. Fakannahum, ils n'ont plus de parents. La ikram bil mal, wala julus, wala ba'dhum hatta al-kalam tayyib, il n'y a plus. Ba'dhum hatta les coups de téléphone, il n'y a plus. لماذا لأن فتنة الدنيا. Et ça c'est pas من الشكر, ça c'est من أفعال اللئام. أما الكريم, ذو الخلق الجميل il oublie pas ses parents ابدا. قال رحمه الله اي نوع من انواع المعروف سواء بالعلم او بالامر والنهي او بالاحسان في قضاء الحاجات. Ça c'est un autre point qu'on a cité, ان الاكرام المعروف c'est pas qu'avec l'argent. Il y en a بعض الناس ils te font énormément de bien sans te donner de l'argent. Et on peut citer كذلك une autre catégorie qui mérite الشكر كثيرا, c'est ceux qui t'ont facilité في العلم et ceux qui donnent de leur temps. وعلى رأس هؤلاء علماء السنة. Ils donnent beaucoup de temps. Là, تظنون أن les efforts qu'ils font c'est simple. Ça demande énormément de sacrifices. Ils veillent la nuit. Ils ont des manquements que pour faire parvenir هذه السنة العظيمة. Enfin, on ne doit pas oublier شكر هؤلاء. ومن أعظم الشكر c'est الدعاء. De faire الدعاء pour eux. Qu'Allah يوفقهم. Qu'Allah leur facilite. كذلك من الشكر c'est الدفاع عنهم وعن أعراضهم. Les secourir بكلمة الحق. Et répondre et réfuter ceux qui les attaquent injustement. Mais le choukr kadhalik, c'est de prendre leur ilm et de le propager. Le savant, il ne peut pas tout propager. Talib ilm ne peut pas tout propager. Enfin, c'est à nous de faire des efforts. Fihada. Ça, c'est le choukr. Les nations propagent leur science, là, chacun a leur récompense, leur hasanat, elles vont augmenter. Enfin, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajzi mashayikhana khayra al-jaza. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماء السنة وأن يرحم الأموات منهم. قال رحمه الله وكل معروف يسديه إليك أخوك المسلم أشكر له ذلك بأن تدعو له ولو أن تقول له جزاك الله خيرا. فإذا قلت له ذلك فقد بالغت في الثناء عليه والشكر له كما جاء في الحديث. Le fait de dire جزاك الله خيرا, cette كلمة très très simple à prononcer, لكن لها أجر عظيم. C'est un دعاء. جزاك الله خيرا. Qu'Allah te récompense par le bien. Enfin, si Allah subhanahu wa ta'ala il exauce ton دعاء et il récompense ce musulman par le bien, فلا شك أن هذا من أعظم الجزاء. قال أما من يحسن إليك ولم تشكره ولم تذكره بخير فهذه نعمة كفرها الإنسان. كذلك دونك من الشكر ذكر هذا المسلم بخير. واما بنعمه ربك فحدث. دونك سيتي لو خير دو سو مسلم. ساس من الشكر. قال فهذه نعمه كفرها الانسان وليس من الاداب الاسلاميه ان تشهد احسان من احسن اليك من قريب او بعيد ايها المسلم. اما الجحود لو فيت دو نبا être reconnaissant, de ne pas citer, de ne pas dire jazakallahu khayr, de ne pas répondre par un bien, déjà c'est grave. La yashkurullah man la yashkurun nas. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah. Et on doit tous être reconnaissant envers Allah. Donc si un être humain il nous a fait du khayr, on doit être reconnaissant. Hada awwalan. Lakin une situation encore plus grave, c'est de ne pas reconnaître le juhud. Matalan wahid il a fait un khayr, tu trouves un autre, il dit là. Là, c'est pas lui. Il n'a rien à voir. فَنَعُودُ بِاللَّهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَفِي هَذَا الْمَعْنَى جَاءَ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ اللَّهِ. الله هو المنعم العظيم المحسن الكريم والناس كذلك يحسنون في حدود طاقتهم أي يحسن بعضهم إلى بعض فمن أحسن إليه الناس فإن من الأدب الإسلامية أن يشكرهم على إحسانهم إليه بأي نوع من أنواع الإحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم ça peut être un دعاء, ça peut être une parole, ça peut être autre chose. المهم تحسن إلى أخيك et tu l'oublies pas في دعائك. قال ومن الخطأ أن يحسن إليك القريب والبعيد ثم لا تشكر له إحسانه ولا تذكره بخير ليدعى له بالخير. et ça c'est من مقاصد هذا الذكر. Pourquoi le citer? أنه il a fait du bien pour que les autres ils font du'a pour lui. Et s'ils font du'a les autres pour lui, هذا Là, chacun a fait un hal, tu auras fait du bien envers cette personne qui t'a fait du bien. Hal jaza ul ihsan illa al ihsan. On revient à la parole de Ibn Hibban, rahimahullah, qala Abu Hatim, rahimahullah, al wajib ala man usdiya ilayhi ma'rufun an yashkurahu bi afdala minh aw mithlih. لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قل فمن لم يجد فليثني عليه فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف وما استغنى أحد عن شكر أحد أي هذا الكلام اللي بعزيز في حديث الإمام البخاري لا سيتي دان الأدب المفرد juste avant le hadith qu'on vient de lire لا يشكر الله من لا يشكر الناس ce hadith فيه نعم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزه نعم فليجزه فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه celui qui reçoit un معروف à qui on fait du bien son frère musulman il est la cause d'un bien ف كذلك tu dois faire un tadju ma'ruf. Man sun'a ilayhi ma'ruf fal yujzi'uh. Fa in lam yajid, si tu n'as pas quoi donner, comment répondre, une chose pour répondre, fa il te reste hada ash-shay al-'azim. Qala fa in lam yajid ma yujzi'uh fal yuthni 'alayh. Tu le cites en bien. Qala fa innahu idha athna faqad shakar. Si tu le cites en bien, fa tu as été reconnaissant. Wa in katamahu faqad kafara. Celui qui cache, qui ne montre pas qui c'est qui a fait ce bien, et encore plus grave, ceux qui font croire que c'est eux, ils n'ont pas été reconnaissants. On a ces kufr ni'ma. Ce n'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam, là. C'est le fait de ne pas être reconnaissant. قال ومن تحل بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste après, il a cité ça. Pourquoi? لأن celui qui ne montre pas qui c'est qui a fait ce bien, en général, il va faire croire que c'est lui. Même s'il ne le dit pas directement, il peut faire croire, agir comme si ça venait de lui. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال وَمَنْ تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْطَى فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَ يَزُورَ. هذا c'est من الكذب. Celui qui fait croire qu'il a fait telle chose alors qu'il n'a rien fait. Ça, c'est un mensonge. Et le mensonge, c'est que du mal, أخي الكريم. Donc le minimum qu'on peut faire, c'est dhikr, citer un hada al-khir, il vient de un tel. Kadalik un khir azim qu'on peut faire, et kadalik c'est cité dans un autre hadith, hadith ibn Umar, wa taqaddam ma'ana kathiran, qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa man atta ilaykum ma'roufan fakafi'uh. Celui qui vous fait un bien, fakafi'uh. Hey, fais tout كذلك pour lui faire du bien. Fa in lam tajidu fad'u lah. Fa in lam tajidu fad'u lah. Hey, ne pas oublier l'invocation. Ça ne veut pas dire que tu invoques que si tu n'as pas là, même si tu lui réponds كذلك tu invoques. Lakin ça arrive que tu n'as pas et n'oublie pas ad-du'a. Ad-du'a c'est quelque chose de azim. Fad'u lah hatta ya'lam an qad kafa'tumuh. Parmi les dua qu'on fait quand واحد il nous fait un khair, قول جزاك الله خير وبارك الله فيك احسن الله اليك وهكذا. قال ابن حبان رحمه الله وانشدني الكوريزي اذا المرء لم يشكر قليلا اصابه فليس له عند الكثير شكور. Celui qui n'est pas reconnaissant envers le qalil, envers le peu. En général, il n'est pas reconnaissant كذلك envers le kathir. لماذا لأن الشكر c'est une ibada dans le cœur. Et celui que Allah il n'a pas wuffaq être reconnaissant envers le peu, quelque chose de peu, en général كذلك il ne sera pas reconnaissant envers le kathir. قال ومن يشكر المخلوق يشكر لربه ومن يكفر المخلوق فهو كفور. Celui qui est reconnaissant, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Limada, il y en a qui c'est qui a facilité ce hub de faire du bien à te rendre au service. C'est Allah azzawajal qui lui a facilité. Maintenant, tu dois être reconnaissant envers Allah et tu dois être reconnaissant envers la cause. La yashkurullah, man la yashkurun nas. Et celui qui n'est pas reconnaissant ou yakfur un ni'ma et il fait croire que c'est lui, هذا لا شك انه c'est un mal. قال وانشدني محمد بن اسحاق الواسطي حافظ على الشكر حتى تستجزل القسم من ضيع الشكر لم يستكمل النعمة الشكر لله كنز لا نفاد له من يلزم الشكر لم يكسب به ندما. أبيات جميلة. من ضيع الشكر لم يستكمل النعمة. Celui qui délaisse le شكر il ne profitera pas de النعمة. بل الله عز وجل قال répète le verset ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Celui qui n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il s'expose lui-même au châtiment d'Allah azza wa jalla. Et parmi la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, être reconnaissant envers la cause, tes parents, le savant, ton professeur, ton frère qui t'a aidé, ou hakada. Qala, rahimahullah, wa anshadani ba'du ahli al-ilm, fakun shakiran lil-mun'imina bifadlihim. وأفضل عليهم إذا قدرت وأنعم ومن كان ذا شكر فأهل زيادة وأهل لبدل العرف من كان ينعم. نعم toujours dans le même sens. فكن شاكرا للمنعمين أي ceux qui sont la cause, ceux qui font du khair, sois reconnaissant. وأفضل عليهم إذا قدرت وأنعم. Et si tu as la capacité de kadalik, de faire du khayr, fais-le. Et on a tous la capacité de dire des belles paroles, des bonnes paroles. On a tous la capacité de dire jazakallahu khayr. On a tous la capacité de faire du'a. On ne doit pas négliger. Hada. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, pour montrer l'importance de shukr, qala alayhi salatu wa sallam, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayrihi, لَأَمَرْتُ الْمَرْأَ أَنْ تَسْجُدْ لِزَوْجِهَا. Ça c'est pour montrer منزلت الزوج, la place du mari et les efforts qu'il fait. Et المرأة doit être reconnaissante. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, si je devrais être reconnaissant, ou plutôt si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre, j'aurais ordonné la femme à se prosterner pour son mari. Pourquoi ? لأن الرجال قوامون على النساء كما قال عز وجل. Et ce mari, là, chaque année, il fait des efforts. Et là, chaque année, il fait des sacrifices, etc. Elle doit reconnaître هذا الخير. كذلك, c'est pour ça que dans l'autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, il a démontré أن أكثر من يدخل النار النساء. Ceux qui rentreront le plus en enfer, c'est les femmes. Enfin, une femme, elle a dit, pourquoi ? لماذا يا رسول الله ? Vu que c'est une femme, ça l'a interpellée, c'est normal, elle a dit, pourquoi يا رسول الله ? Il a dit, تكفرنا العشير. كفر العشير, c'est quoi ? C'est كفر النعمة, ne pas être reconnaissant. Et ça, c'est une صفات بعض النساء, qui ne craignent pas Allah, qui pensent beaucoup à dunya, qui cherchent que les défauts. Tu trouves الزوج, il fait du khair. Un jour, من الأيام, un manquement, un défaut, un péché. Et comme j'ai fait le hadith, cette femme elle dit, j'ai jamais vu ma ra'aytu khayran qat. J'ai jamais vu un bien avec toi. Ça c'est min kufr an-ni'ma, ça c'est un manque de reconnaissance. كذلك الزوج الرجل, il doit être reconnaissant envers ahlo. Cette femme qui fait des efforts, qui prend soin de lui et qui lui lave ses vêtements, qui lui fait à manger, qui passe beaucoup de temps pour son bien-être. L'homme, il doit être reconnaissant. La yashkur Allah man la yashkur an-nas. Être reconnaissant en disant des bonnes paroles. Al-ikram, encourager cette femme quand elle a des manquements, vu qu'elle est connue pour le bien, elle est connue pour faire des efforts. Ça peut arriver, cette femme, c'est pas un robot. La maladie, la fatigue, un manque de motivation, ça arrive. Fayasbir. Wa hakada ar-rajul wal mar'a yata'awunun. Beaucoup, ou la plupart, ou une grande cause des problèmes de couple, c'est cette notion qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas appliquée. Al-shukr. Imma la femme, elle ressent que l'homme, il ne lui donne pas assez de valeur, il n'est pas reconnaissant, et ça la pousse à faire des choses, et ça peut aller très très loin, ça peut aller jusqu'au divorce. Imma l'ex, l'homme, il ressent que cette femme, elle ne fait pas d'efforts, elle ne veut pas son bien, elle n'est pas reconnaissante, et ça le fatigue et ça peut pousser au divorce. On doit tous craindre Allah. La yashkurunas. La yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Oublie pas que une des premières personnes concernées par hadith al-hadith, c'est ton conjoint ou ta conjointe, akhil karim. Et on ne doit pas oublier le khayr. Et là, si tu es reconnaissant envers ton épouse ou ton épouse elle est reconnaissante envers toi, il y a un énorme khayr et il y a beaucoup de récompenses. Wahadihi dunya za'ila. Ce bas monde il va passer, c'est une épreuve. Tu es une épreuve pour ta femme, ta femme c'est une épreuve pour toi. Et c'est une histoire de quelques années. Fais nasbir. Se dédoua qaribu, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un jour pour toi, un jour contre toi, un jour c'est toi qui as tort, un jour c'est elle qui a tort. Un jour tu lui pardonnes, un jour elle te pardonne et on s'entraide et on avance. Ala al-khayr. قال أبو حاتم رحمه الله الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة بل عند النعم يشكر. Ça c'est une صفات الأحرار. الحر c'est celui qui est libre. Il est libre de quoi? Il est libre des passions. Il est libre, il s'est libéré des mauvais comportements. Il s'est libéré du taqlid des ennemis de l'islam. Hein? C'est lui le hur. C'est lui le véritable libre. Bardana, s'ils pensent qu'ils sont libres, tu es pas. Tu n'es pas enfermé en prison, tu n'as pas les mains enchaînées, tu n'as pas de boulet aux pieds. Lakin ahyanan, tu trouves hadal insan, qui n'est pas enfermé, qui n'est pas attaché, qui n'est pas emprisonné. Tu le trouves, c'est un abd. C'est un esclave. Imma de ses passions, imma de shaitan, imma des ennemis de l'islam. La preuve, c'est qu'il l'utilise comme il veut. Amma al-hur, c'est al-mu'min. Il est hur. Et c'est un abdillah, ta'ammalou. Ça va ensemble. Léana, tu ne peux pas être totalement libre, abadan. C'est pour ça que Al-Kuffar, au nom de la liberté, au nom de l'hurriya, ça devient des esclaves. Alors qu'eux, à la base, ils prétendent vouloir s'écarter de cela. Ils veulent la liberté, ils veulent l'émancipation, ils veulent min hadha al-kalam al-fariq. Et à la fin, tu les trouves, c'est min ashadd al-nas. C'est min ashadd al-nas, uboudiyatan li-shaytan. C'est des abid li-shaytan et de leur passion. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا حَتَّى ils adorent leur propre هَوَا. Et ils ne sont pas libres, on le voit tous les jours. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Tu trouves le mu'min, il est hur, il est libre. Et ma'a hada, c'est un abid lillah. C'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ هُنَا الْحُرْ أي هذا المؤمن qui fait des efforts dans son din لا يكفر النعمة. نعم, il est reconnaissant envers ni'ma. Il ne rejette pas. Abadan. Ni'ma, c'est une ni'ma. Fa yashkur. Wa la yatasakhat al-musiba. Quand il est touché par une épreuve, la yatasakhat. Crier, s'arracher les vêtements, insulter, accuser. Ça ne sert à rien. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Hakada qawla al-mu'minina al-salihin. Inda al-musiba. Qala bel inda al-ni'am yashkur. Bel, ce mu'min, il est reconnaissant. Quand Allah lui a donné un bienfait. قال وعند المصائب يصبر وعند المصائب يصبر. تذكرون حديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم qu'on a cité il y a quelques jours, on a cité dans la dernière محاضرة ou dans un درس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Le cas du mu'min il est étonnant. نعم, dans la kalima qu'on a fait sur من يريد الله به خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير فإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. S'il est touché par un bien, فيشكر, c'est un énorme bien pour lui. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. S'il est touché par un mal, يصبر. Tu as ces deux choses et c'est من أسباب النجاة, c'est des causes pour être sauvé dans l'au-delà. C'est une des causes, c'est des causes plutôt pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. As-sabru 'inda al-bala, patienter lors de l'épreuve, wa shukru 'inda an-ni'ma, être reconnaissant quand on est touché par un bienfait. Et il les a cités les deux, huna rahimahullah. Qal wa man lam yakun li qalil al-ma'ruf 'indahu waq'un aw shakan la yashkur al-kathir minhu. Taqaddam ma'na dans le vers de poésie. Celui qui n'est pas reconnaissant envers des choses très minimes, des choses, c'est très peu. Enfin, ça peut le pousser à ne plus être reconnaissant, même envers les choses d'énormes. قَالَ وَالنِّعَمْ لَا تُسْتَجْلَبْ زِيَادَتُهَا وَلَا تُدْفَعْ الْآفَاتْ عَنْهَا إِلَّا بِالشُّكْرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَلِمَنْ أَزْدَاهَا إِلَيْهِ. نعم, كلام جميل. لا تستجلب زيادتها إلا بالشكر. Donc, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala, il te rajoute, que Allah subhanahu wa ta'ala, il mette de la baraka, de la bénédiction dans ce que tu possèdes. Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala, il repousse les mauvaises choses qui peuvent te toucher, des injustices, etc., sois reconnaissant. Sois reconnaissant, on a cité le verset كثيراً. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. قال رحمه الله وأنشدني الأبرش الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رمى على من رامه نعم فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم. C'est ce qu'on vient de dire. أن الخير أو plutôt الشكر c'est une cause, une énorme cause pour que des portes fermées elles soient ouvertes. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَلَا شَكَ أَنَّ مِنْ تَقْوَى اللَّهِ الشُّكْرُ. Celui qui craint Allah, et parmi la crainte d'Allah, la reconnaissance, être reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira les portes. Ne pas croire que être reconnaissant en dépensant maintenant, c'est une cause pour que tu t'appauvrisses ou que tu as moins. C'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il te donne et ouvrir des portes. Mughlaqa. On a parlé d'argent, ça peut être dans la science, ça peut être dans la bonne santé, ça peut être dans beaucoup de choses. Qala fabadir ash-shukra wastaghliq wathaiqahu wastadfi' Allah ma tajri bihi an-niqam. كذلك c'est une cause pour repousser an-niqam wa ash-shurur. Sois reconnaissant, la'allahu c'est une cause pour que Allah il te guérisse. Sois reconnaissant, la'allahu c'est une cause pour que Allah il t'ouvre les portes du repentir. Sois reconnaissant, la'allahu c'est une cause pour que tu t'écartes de ce péché. Wa hakada. قال رحمه الله الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف على حسب وسعه وطاقته. Et ça c'est pour tous les bons comportements qu'on a cités. Bel c'est valable pour toutes les adorations. قال الله عز وجل واتقوا الله أو فاتقوا الله ما استطعتم. Et dans le hadith فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ça, c'est valable pour tous les awamir, pour toutes les adorations, pour tous les bons comportements. Et c'est une règle dans notre din, c'est une base importante. Anna al-amal, al-awamir, les ordres, c'est par rapport à la capacité. Enfin, tout ce qu'on vient de citer dans ces deux chapitres aujourd'hui, et qu'adalik auparavant, c'est lié à la capacité, chacun selon ses capacités. Qala, in qadara fabidhi'af. Ça veut dire plus, Sona. Et encore plus, multiplié. Enfin, maintenant, Wahad, il t'a fait un khir, un tas, tu réponds par plus. Là, chacun, c'est les hauts degrés. Wa illa fabil mitl. Tu peux répondre avec la même chose. Qala, wa illa fabil ma'rifati bi wuku an ni'ma inda ma'a badli al jazalahu bi shukru wa qawluhu jazakallahu khayran. Tu n'as pas la capacité de lui donner ce qui t'a donné une même chose, une chose de même valeur. Lakin tu as hada du'a al-azim. Tu lui dis jazakallahu khayran. Et tu l'oublies pas dans tes du'a. Et tu le cites bi khayr. Et la shakana dans ce cas tu as été reconnaissant. Qala faman qala lahu dhalik 'inda al-'adam fakannahu ablagha fi thana. Celui qui dit ça alors qu'il ne possède rien, faqad ablagha fi thana. Tu as été reconnaissant et tu as fait une énorme chose. Fahmadillah. Qal wa min an-nas man yakfuru an-ni'am wa kufran an-ni'am yakun min ahadi rajulayn. Et certains, sahih, ils ne sont pas reconnaissants. Et ceux qui ne sont pas reconnaissants, tu as deux catégories qu'il a citées هنا. La première, قال إما رجل لا معرفة له بأسباب النعم والمجازاة عليها لما لم يركب فيه من التفقد لمراعاة العشرة إذا كان كذلك وجب الإغضاء عنه وترك المناقشة على فعله. Le premier cas, واحد qui ne donne pas d'importance au علم, qui est loin du ilm et qui ne connaît pas ce genre de base et il est fi rafla, ça vient pas d'une mauvaise intention, là qui a un manque d'éducation, un manque de science et hakad al entourage, il a l'habitude, sahih ba'dhum, c'est leur entourage, il m'a la ville, il m'a le pays, il m'a la famille, ils sont hakad, ils ont un manque de choukr. Fa fi hadha al hal wajib al irda an. À la hal, tu fermes les yeux. Quand tu as donné, tu as donné l'illah. Tu as aidé l'illah. Et dans tous les cas, et on a oublié de préciser, on en profite, on a. Anta akhil karim, si tu fais du khair, c'est pas pour attendre une réponse. Là. Lakin, parmi les bons comportements, on a celui qui reçoit un khayr, il doit répondre. Vous avez remarqué, c'est différent. Amma celui qui veut du khayr, faqala Allahu azza wa jal, min sifat al-mu'minin, qala la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Donc celui qui fait le khayr, il n'attend pas à shukr. Il ne fait pas ça pour shukr ou pour qu'on le cite en bien. Là, il fait ça lillah. Et celui qui reçoit, bien sûr, c'est une adoration d'être reconnaissant. Donc le premier cas, al-irva'an, ferme les yeux. Et en tant que tu as fait ça lillah. Et si tu peux conseiller, montrer, enseigner les bons comportements à Haoula, falhamdulillah. Rajul al-akhar, la deuxième catégorie, an yakuna da'aqlin lam yashkur al-ni'ma istighfafan bil-mun'im wa istihqaran lil-ni'ma. Et ça c'est grave. Annahu, c'est pas par un manque de science. Lakin, il ne donne pas de valeur à cette ni'ma. Kadhalik, il ne veut pas être reconnaissant envers le mun'im, celui qui donne Allah Azza wa Jal. قال وتواهنا في نفسه لهما او لاحدهما اي لا cette insouciance cette rafla chadida sahiqa قال فاذا كان كذلك يجب على العاقل ترك العود الى فعل مثله والخروج للائمه على نفسه اذا كان له خبره به. على كل حال في هذا الحال si on peut conseiller on conseille et نحن dans tous les cas si on fait ça, on espère la récompense d'Allah Azza wa Jal. Léana, celui qui fait du bien, il est maktoub indallah. Que cet être humain soit reconnaissant ou pas, ta récompense, tu l'auras indallah, subhanah. Léana, celui qui fait du khayr, il n'a pas qassar. Celui qui fait du bien, il n'a pas eu de manquement, il a fait le bien. Le manquement, il est dans celui qui manque de reconnaissance. Maintenant, dans tous les cas, en tant que fa'il khayr, tu as fait du bien, tu seras récompensé, inshallah. Nas'alullah, subhanahu wa ta'ala, an يجعلنا من الشاكرين المخلصين الثابتين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Prochain cours بإذن الله dimanche à la même heure. وحياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.